jeunesse fait, tu penses qu'à ça. À peine formé, tu rêves déjà. L'heure a sonné, tout largué, basta. Sans te soucier, tu fonces tout droit. Délaisser ta famille adolescente, juste un sac et des affaires dedans. Bientôt qu'une sortie m'attendit, ce n'est plus le même mode de vie. Oui, je chante quand d'autres s'emploient. À vouloir triompher, c'est le choix. Je ne cherche pas le même combat. Personne ne prendra de décision pour moi. Tu n'écoutes que sa voix. As-tu passé, il t'apprendra. Subir la pression des médias. Bâtir ton corps, il te faudra. À gravir des places, il te poussera. Jour et nuit très près de toi. Devenir un produit inégalable et le fruit d'un noyau inébranlable. Oui, je chante quand d'autres s'emploient. À vouloir triompher, c'est le choix. Je ne cherche pas le même combat. Personne ne prendra de décision pour moi. Moindre faux pas et tout s'effondrera. Quand ta force, ton courage s'affaiblira, alors seul le futur t'appartiendra. Oui, je chante quand d'autres s'emploient. À vouloir triompher, c'est le choix. Je ne cherche pas le même combat. Personne ne prendra de décision pour moi. Oui, je chante quand d'autres s'emploient. À vouloir triompher, c'est le choix. Je ne cherche pas le même combat. Personne ne prendra de décision pour